accorrio ti me disare. Fa un fi sor vol sur le pas de fauchon et je m'en tiens à l'écran. Reçois mon repenti.